silence autour de nous, pas d'enfants dans la cour. Je voudrais qu'on dise aux gens, il y a des moments doubles chez les voisins d'en face. Quand on sera posé face à face, assis depuis deux jours, à se regarder les yeux, je voudrais qu'un ange passe sous le pays entier. Je voudrais le silence profond, je voudrais le silence total, comme une envie qui dort, silence de cathédrale quand les gens sont dehors. Prévenir tous ceux qui pensent d'arrêter les essais, d'arrêter les cadences, et que les chiens de faïence arrêtent de se regarder. Je voudrais qu'on soit tout nu, tout seul, figé comme ceux et celles, qu'on plie des manteaux de sel pour se faire un linceul, mais nous on serait vivants. Frappés d'absence autour de nous, ceux qui voulaient venir, déguisés en passant, déguisés en pensée, déguisés en souvenir. Le silence au fond des foules, le repos des volcans, le son du temps qui coule, l'odeur de fin des temps suspendue un instant, et les yeux dans les yeux. Enfin se mettre à rire.